butterflies and zebras and poor fish. Fairy Blink and keep the lights. No, ma, no, ma, no, ma, no, ma. Very, very. Différentes versions du présent qui se passe maintenant. Se passe de commentaires maintenant. De vrai. Se passer de commentaires car. Les faits, les événements devraient se suffire à eux-mêmes pour expliquer la situation. Mais semblerait qu'un problème. Problème d'interprétation pour la même situation. Arrête de bavarder. Arrête de bavarder. Situation. Arrête de bavarder. Arrête de bavarder, Yann. Toute la journée. Ah, y'a pas. Oui. Mais moi je veux bien arrêter de bavasser toute la journée. Fais-moi-la. Arrête de bavarder. I'm trying to speak his fucking language so he understands. Bavasser toute la journée. C'est que je fais toute la journée. Alors, tu me demandes d'arrêter, arrêter. La seule chose que je sais faire toute la journée, juré, promis, juré. Ouais, je pourrais faire autre chose, mais bavarder, bavasse, bava, bava, bava. On m'a bova. What a pleasure. Bavardé. Réviens. Bavasse. Bavo. Bavo.